Chapitre 7e, Saïgon, port de mer, le courrier de France, un port chinois. Saïgon est un grand port de mer qui n'est point au bord de la mer. Cette vérité apparaît sans doute aussi peu compliquée qu'un aphorisme de M. de la Palice, et cependant, il n'est pas oiseux de dire que notre grand port français d'Extrême-Orient est à 40 000 à l'intérieur, car, le croiriez-vous, on rencontre de bonnes gens qui négligent ce détail, résolvent ainsi, plus aisément et de loin, certains problèmes économiques intéressant le mouvement commercial de la Cochinchine française. Mieux vaudrait, certes, à maintes égards, que notre capitale fût sur la côte. Des projets ont été mis à l'étude pour établir une ville commerciale à l'entrée de la rivière de Saïgon, au Cap Saint-Jacques notamment. Et il a toujours fallu en rabattre. Les difficultés d'exécution enrayant les meilleures volontés. En attendant mieux, le port marchand s'étend sur de longs quais parfaitement aménagés tout à l'entrée de la ville. L'hôtel des messageries maritimes et les immenses entrepôts de la compagnie qu'on aperçoit dès le dernier coude de la rivière en aval sont au centre du port de commerce au confluent du fleuve et du grand arroyau de Cholon. Le service régulier du courrier de France est assuré par les messageries chaque semaine. Dès que le coup de canon annonce l'entrée du paquebot dans le port, l'animation s'accroît en ville. Ceux qui n'espèrent que des nouvelles courent à l'hôtel des postes où l'on attend, dans la plus vive impatience, le dépouillement et la distribution. Chacun s'absorbe dans la lecture des lettres ou des journaux. Ceux qui attendent des parents, des amis, ou que la promenade au courrier de France distrait et console un peu de l'éloignement de la patrie, prennent le chemin des messageries maritimes. À chaque départ et arrivée de courrier, c'est en foule qu'on prend d'assaut les 100 pans du mât de signaux qui transportent les promeneurs au quai des messageries de l'autre côté de l'arroyau de Cholon. À peine quelques minutes de traversée, et l'on se trouve en plein sur ce quai magnifique de la grande compagnie, où les plus énormes paquebots ont toujours un mouillage plus que suffisant. Ce quai semble beaucoup plus près de France que le reste de la ville. Les gens que l'on coudoie ont quitté la France il y a peine un mois, ou encore, si c'est un voyage de retour, tout ce monde sera à Marseille dans 26 jours. De ces pèlerinages hebdomadaires à cette marche de la patrie, on revient joyeux si l'on amène avec soi un nouvel ami, apportant toujours de fraîches nouvelles d'Europe. On rentre triste, au contraire, quand on accompagne un ami au départ, et je ne sais quelle sentimentalité, quel amour du sol natal, fait briller au coin des yeux de petites perles que le soleil brûlant a du mal à tarir. Dans les colonies, ceux-mêmes, qui n'ont que de bons souvenirs et d'heureuses espérances, regardent avec ardeur du côté de la France absente depuis de longs mois. Là où l'on est bien, là n'est pas cependant la patrie. Ceux-là seuls connaissent la puissance du sentiment du sol natal et qui ont passé les frontières. Pour rester en ville, la route qui se peut appeler route de terre, par opposition à celle que je viens de prendre au confluent de l'arroyau de Cholon et de la rivière de Saïgon, la route de terre, dis-je, sort de la grande barrière de l'enceinte des messageries et traverse, sur une chaussée élevée, de vilains terrains vaseux, flanqués de petites cases anamites d'une bien méchante allure, qui donnent aux nouveaux débarqués une idée déplorable du souci des autorités locales pour l'assainissement. Et cependant, on travaille déjà à l'amélioration de ce quartier, suburbain il est vrai, mais fort important à cause des établissements des messageries et des nombreuses décortiqueries de riz, dont le voisinage en fumée n'a rien d'agréable. Certes, je ne crois pas que ces terrains soient jamais transformés en villas d'agrément, mais on parviendra, sans doute à la longue, à assainir ce coin de ville et à remplacer par de simples prairies les cloaques et guibords de la route. Mais ces plaintes ne peuvent durer longtemps. À peine a-t-on franchi quelques mètres et l'on arrive au superbe pont qui franchit l'arroyo chinois. Le long de la rampe du pont s'étendent les hautes murailles d'une grande usine de métallurgie dont les ateliers occupent un large espace au bord de l'arroyo. On traverse le bras de rivière sur un pont audacieux d'une seule arche, sous lequel passent les hautes mâtures des joncs et des barques. Du point culminant de ce pont, un des travaux d'art les plus remarquables de la ville, on a une perspective aussi pittoresque qu'étendue sur le port chinois. À pleine rivière, les joncs vont et viennent en longue procession, selon que la marée porte à Cholon ou descend à Saïgon. Sur l'une et l'autre rive de l'arroyo, le commerce est actif. D'un côté, d'importantes manufactures européennes, des usines de blanchissage de riz et de décortiquage, de l'autre, la longue file des marchands chinois et les vastes greniers à riz. rien n'est curieux le soir, comme la profonde perspective des quais illuminés par les 1000 lanternes des boutiques chinoises et par les innombrables feux des bateaux. Les Chinois sont très prodigues de lumière, et les petites lampes à pétrole, avec abat-jour en porcelaine, sont répandues à profusion. Il faut cependant avouer que l'odeur nauséabonde qui se dégage de l'eau quelque peu douteuse de l'Arroyo n'est pas pour retenir longtemps les admirateurs. Cet Arroyo de Cholon est vraiment trop hospitalier aux dépouilles de toutes sortes. À la marée basse, comme le flot de terre amène, il recule justement épouvanté, laissant à découvert sur les berges des épaves innommables.